Bien, bah, donc c'est mon tour. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Et merci à vous, aux deux ministres, pour ces beaux témoignages, qui sont d'ailleurs bien plus que des témoignages. Vous l'avez entendu, c'est quand même deux témoignages assez différents, ne serait-ce que parce que, évidemment, vous avez pris vos fonctions dans des contextes à la fois politiques très différents, mais aussi parce qu'il y a deux mondes qui séparent, hein, les deux ministres, entre l'État, d'ailleurs, vous l'avez signalé, c'est profondément transformé, agencification, diversification des statuts, hein, en l'espace de quelques dizaines d'années, mais aussi, et ça n'est pas un hasard si vous avez commencé par ça, du fait de l'européanisation aussi, hein, des politiques publiques, de l'inscription très très forte de la France donc dans l'Europe. Deux ministres très différents aussi du fait des statuts, un ministre de plein exercice, et un ministre délégué, même si finalement, on en discutera sans doute, la position au sein du gouvernement n'était pas si différente que ça, mais aussi deux ministres tout à fait différents qui incarnent, hein, le gouvernement de la fonction publique de manière assez différente, parce que un ministre réformateur, inscrit dans un gouvernement qui arrive avec un énorme programme de réforme, et puis une ministre qui agit, on va dire, plutôt dans la gestion ordinaire, ne le prenez pas mal, puisque par ailleurs, vous avez quand même eu aussi à gérer la crise Covid, qui était tout sauf quelque chose d'ordinaire. D'ailleurs, il y a d'ailleurs une petite contradiction dans ce que vous nous avez dit. Vous avez dit, bon, ben moi, en fait, j'avais pas de réforme, mais en fait, vous n'avez pas cessé, non pas de réformer, comme vous l'avez dit, mais de transformer, de chercher à transformer. J'ai pas eu de loi. Voilà, vous n'avez pas eu de loi, c'est vrai. Mais beaucoup, voilà, beaucoup de changements malgré tout. Alors, je voudrais, avant de vraiment continuer ici à discuter, et alors peut-être dire d'où je parle, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, de la fonction publique. Je suis une spécialiste des institutions politiques et notamment du pouvoir exécutif, sur lequel je travaille depuis très longtemps, puisque j'avais d'abord commencé à travailler sur le président de la République et dernièrement, donc, sur le gouvernement et le Premier ministre. Et c'est donc à ce titre-là que je vais intervenir. J'espère que je ne serai pas trop hors sol. J'essaierai d'être efficace, bien qu'universitaire, parce que les universitaires savent aussi être efficaces. J'ai dû préparer en fait cette séance en peu de temps, et avec l'idée d'essayer de réinscrire, comme vous me l'aviez demandé, en fait, le ministre et le ministère de la fonction publique dans le gouvernement, comment la fonction publique est prise en charge par les gouvernements de la Ve République. Je partage avec Monsieur le ministre Anicet Le Pors, évidemment, cette idée qu'on ne peut pas comprendre ce genre de choses sans profondeur historique. Je n'irai pas aussi loin que vous, je m'en tiendrai à la Ve République que je connais bien. Alors, avec l'idée, donc, effectivement, non pas de théoriser, mais d'essayer de monter en généralité sur la base de vos deux exemples, mais aussi donc de ce que j'ai un petit peu travaillé pour cette séance, tout en soulignant le fait que c'est pas évident. Vous avez cité Jacques Fournier, je vais le citer aussi, c'était prévu. C'est un des rares, effectivement, à avoir, un des tout premiers et un des rares à avoir produit un texte sur le gouvernement dans lequel il dit, en fait, le sujet se prête très très mal au développement théorique, et cela pour plusieurs raisons que je vais rappeler ici. La principale, c'est que les règles, en fait, qui organisent le travail gouvernemental, elles ne sont pas figées dans le marbre du droit constitutionnel. Hein. Il n'y a pas, comme sous la 4e République, de règlement intérieur du travail gouvernemental, même si le SGG, le secrétaire général du gouvernement, qui est à la fois le notaire et la mémoire, hein, des gouvernements, a produit en 1985 un dossier très intéressant sur le travail gouvernemental. Mais, et ça a été dit ici, hein, et vous l'avez entendu, la structure d'un gouvernement n'est jamais totalement exactement la même, hein, d'un gouvernement à un autre. Ça peut même changer, hein, dans un même, chez un même, sous un même ministre. Donc la structure varie sensiblement d'un Premier ministre à un autre, le nombre de portefeuilles, leur périmètre, la taille de leur cabinet, la hiérarchie aussi entre les différents ministres ne sont jamais exactement les mêmes. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tout change à chaque changement de gouvernement, hein, on ne réinvente pas le chaud à chaque fois. Il y a bien sûr des invariants. Au-delà même des règles coutumières hein, qui se sont progressivement institutionnalisées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, ne serait-ce que parce qu'il y a des contraintes très fortes, des contraintes temporelles. Hein, le calendrier, notamment législatif, est assez contraint, serré. La durée moyenne d'un gouvernement sous la Ve République, c'est davantage que sous la IVe République, mais c'est 3 ans, en théorie, avec cette incertitude pour chaque Premier ministre de voilà, méconnaître la fin hein, de l'exercice de ses fonctions. Donc ça, c'est extrêmement présent, prégnant pour un gouvernement. Chaque Premier ministre a ça en tête. Il est là pour un temps assez limité hein, et surtout avec une fin tout à fait incertaine. Ce calendrier, il est d'autant plus contraint, limité, serré, que, comme vous le savez tous, la loi des finances, en fait, occupe une bonne partie, en fait, hein, de l'agenda législatif. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, il y en a plein d'autres, un gouvernement, au-delà de la façade collégiale, c'est pas simplement un collectif de travail solidaire, et aussi marqué par la coopération, c'est, et ça a été dit, et bien dit, par les deux ministres ici présents, c'est aussi un lieu de compétition entre ministres, compétition pour pouvoir inscrire son projet, ses mesures, à l'ordre du jour hein, du Conseil des ministres, si tant est évidemment que le projet l'exige. Compétition aussi, j'allais dire, pour des raisons structurelles. Vous le savez, il y a des ministères qui ont des mandats qui sont structurellement opposés, quasi incompatibles. Hein, les plus connus, donc le ministère de la Justice versus le ministère de l'Intérieur, ministère de l'Environnement versus ministère de l'Industrie. Etc., etc. Alors, je pourrais juste, pour terminer ce point sur le gouvernement, dire que ce caractère, agonistique, ou en tout cas compétitif, il s'est renforcé, ça c'est important d'avoir en tête, il s'est renforcé tout au long de la Ve République pour des raisons je ne vais pas ici développer, mais on le mesure notamment à la multiplication des arbitrages, à l'explosion des fameuses RIM, les réunions interministérielles, qui constituent l'ordinaire, en fait, hein, du travail gouvernemental, où précisément se négocient en permanence hein, les différents projets portés par le gouvernement, les différents gouvernements. Donc au total, un gouvernement, c'est quoi du point de vue de la science politique ? C'est tout sauf une institution. C'est une spécialiste d'institution politique qui dit ça. C'est pas une institution fermée, avec des frontières bien établies, bien circonscrites, bien établies en tout cas une fois pour toutes. Ça s'analyse davantage comme des configurations d'acteurs à géométrie variable, dans lesquels l'ordre, bien sûr, existe, mais dans lesquels l'ordre, il est constamment renégocié, notamment dans les RIM. Et je pense que c'est important d'avoir ce cadre-là en tête pour comprendre effectivement quelle est la position du ministre de la fonction publique et qu'est-ce que ça veut dire gouverner la fonction publique, d'avoir ça bien en tête pour le comprendre. Alors, si je pointe en effet maintenant la focale sur la ministre de la fonction publique au sein donc, de cet espace relativement compétitif, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelles sont les principales caractéristiques en effet de ce portefeuille ? Voilà. Et qu'est-ce que ça peut nous dire éventuellement du gouvernement de la fonction publique ? Mon exposé sera en trois points, hein, ici, d'ailleurs d'inégale importance. Hein. D'abord, je parlerai du ministère, puis ensuite des ministres, et enfin de leur équipe, de leur entourage, hein, les cabinets ministériels. Alors, je l'ai dit, hein, j'ai dit qu'effectivement, j'ai commencé par cette citation de Jacques Fournier, le fait que les règles ne sont jamais tout à fait les mêmes d'un gouvernement à un autre. On a affaire à, en fait, à quelque chose qui est assez mouvant. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le ministère de la fonction publique, de manière un peu paradoxale, est assez emblématique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie de ces ministères qui bougent beaucoup entre le début de la Ve République et aujourd'hui. Hein, le titre du portefeuille, par exemple, hein, a énormément changé. Ce n'est pas le cas de tous les ministères. Ça fait partie de ceux, hein, en effet, pour lesquels presque, je ne vais pas dire, c'est pas vrai, pas chaque gouvernement, mais beaucoup de gouvernements ont cherché donc à afficher des intentions particulières. Donc sous Châtenay en 59, qui a été le premier ministre de la fonction publique, d'ailleurs le terme n'existe pas, puisqu'il est chargé des problèmes d'administration générale. Ensuite, sous Jox, c'est le ministre de la réforme administrative. Plus tard, lorsque Jean Garrec devient ministre, succédant au ministre Anicet Le Pors ici présent, donc il devient ministre de la fonction publique et de la simplification administrative. Un peu plus tard encore, sous Jean-Pierre Soisson, en tout cas le portefeuille prend le titre de modernisation de l'administration, fonction publique et modernisation. Jacques Chirac et François Hollande, sous le septennat de François Hollande et de Jacques Chirac, le portefeuille va porter exactement le même nom, le même titre, réforme de l'administration de l'État, donc fonction publique, réforme de l'administration de l'État et de décentralisation. Pas tout à fait dans le même ordre, ils ont quand même changé l'ordre, sans doute pour des raisons symboliques. Et enfin, donc, sous la présidence d'Emmanuel Macron, deux titres différents, ministre de l'action publique et des comptes publics, hein, avec donc Darmanin, avant de devenir, donc, comme vous l'avez rappelé, ministre de la transformation et de la fonction publique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, hein, sur le gouvernement de la fonction publique, en tout cas sur la manière dont ceux qui dirigent, hein, dont ceux qui gouvernent, conçoivent cela. Bon, je dirais, pas grand-chose, il ne faut pas non plus attacher beaucoup d'importance, hein, à ces affichages, mais tout de même, quelque chose qui me semble important, c'est que, et ça a été dit ici, on n'est pas seulement ministre de la fonction publique. Hein, on est toujours ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de l'État, ministre de la fonction publique et de la décentralisation, et encore ministre de la fonction publique et donc éventuellement aussi des comptes publics. Et l'évolution, j'ai donné dans l'ordre, est peut-être aussi significative, en fait, de préoccupations évidemment différentes par rapport à cette question en tout cas au moins de la fonction publique et de l'administration. Deuxième remarque par rapport donc au ministère, deuxième caractéristique, c'est pas simplement le titre qui change entre le début de la Ve et aujourd'hui, c'est le statut, là je vais aller assez vite parce que ça a été dit, hein, le statut n'est pas tellement plus stable que le périmètre, hein, de ce portefeuille. Disons qu'au début de la Ve République, sauf exception, je ne dirais pas lesquels, c'est un ministère délégué, ou voire un secrétariat d'État. C'est d'abord un secrétariat d'État, ministre délégué. Ce qui n'est pas singulier, hein. Il y a plein d'autres, en fait, portefeuilles qui, comme celui de la fonction publique, en fait, hein, eh bien, ne sont pas des portefeuilles de plein exercice. La différence, c'est que, bizarrement, là aussi, et ça m'interroge, j'ai pas la réponse, hein, c'est une question que je soumets à votre réflexion, ce portefeuille-là a connu une trajectoire inverse à la plupart des autres portefeuilles, enfin, si je prends le gouvernement dans son ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, entre le début de la Ve République et aujourd'hui, on a eu une multiplication, en fait, des ministères délégués, hein, au détriment des ministères de plein exercice. Or, s'agissant du ministère de la fonction publique et de l'administration, c'est la trajectoire inverse, c'est-à-dire que ce ministère, qui était d'abord un ministère délégué, devient un ministère de plein exercice. En tout cas, depuis Sauvadet, François Sauvadet, c'est-à-dire depuis 2011. On notera au passage que son rattachement a aussi n'est pas non plus totalement stabilisé. Vous avez dit, donc, s'agissant de votre ministère et de la plupart donc, de ceux qui ont eu un ministère délégué de la fonction publique, ils sont généralement rattachés au Premier ministre. C'est le cas jusqu'en 1986, date à laquelle donc le portefeuille devient ministère de plein exercice jusqu'en 2007, date à laquelle il va être alors rattaché au ministère du budget. Et donc là encore, évidemment, ça m'interroge, hein, on peut s'interroger sur ces changements de statut. Vous y avez un peu répondu, mais je me suis demandé si c'était toujours le cas. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure le fait d'être un ministère délégué rattaché au Premier ministre, c'est une ressource dans les négociations intra-gouvernementales. Est-ce que c'est pas mieux d'être un ministère de plein exercice ? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations ? Au fond, moi, ce qui m'a frappé dans vos deux interventions, c'est le fait que ce n'est pas si important que ça, et que le plus important, c'est la relation au Premier ministre, voire au président de la République. C'est-à-dire que être un ministère délégué, quand on s'entend mal avec le Premier ministre, je pense que ce n'est pas simple. Quand on a une bonne relation avec lui, au contraire, je pense que c'est une ressource, hein, et sans doute un élément de, peut-être pas de puissance, mais en tout cas de pouvoir, hein, de poids dans les négociations intra-ministérielles. En tout cas, ça me semble très important ici de se poser cette question-là. Alors aussi bien, donc, je vais le dire, hein, de la relation avec le Premier ministre, avec Matignon, voire avec l'Élysée. Petite parenthèse, dans les travaux qu'on mène sur les gouvernements et l'action publique, en fait, on se rend compte qu'effectivement, l'accès à l'Élysée est un enjeu extrêmement important et, semble-t-il, de plus en plus important. Mais dans le cas du ministère de la fonction publique, peut-être plus encore dans la mesure où il s'agit d'un ministère transversal, ça a été dit. Hein, c'est-à-dire que c'est ministère de la fonction publique, mais vous devez travailler avec l'éducation nationale, avec la justice, avec l'intérieur, etc. etc. Et donc ça, évidemment, c'est une place, à mon avis, pas simple, qui sans doute suppose des qualités très politiques. J'en viens donc à mon deuxième point. Donc les ministres. Si je me place à présent donc du côté de ceux qui ont dirigé ces ministères de la fonction publique, les 38 ministres de la fonction publique que la Ve République a connus. Alors, en dehors du fait que les femmes, ici comme ailleurs, sont sous-représentées, 4 femmes sur 38, ce qui frappe, en tout cas ce qui frappe la néophyte que je suis en la matière, c'est le profil très politique de ces ministres. On aurait pu naïvement penser que le ministre de la fonction publique est un haut fonctionnaire issu de l'ENA INSP, qui a fait une longue carrière dans l'administration. Après tout, c'est un profil, hein, ce profil, je veux dire, technocratique, qu'on retrouve dans le gouvernement, même si la plupart des ministres techniciens ou technocratiques, ça dépend, des appellations, ont souvent, en fait, en réalité, une expérience politique par ailleurs. Mais par exemple, la moitié des premiers ministres des gouvernements de la Ve République ont fait l'ENA. Voilà, pareil pour les présidents de la République. Donc c'est un profil qu'on trouve souvent, et on aurait pu penser que précisément on allait le retrouver à ce portefeuille. Et il n'en est rien ici. Hein. C'est un profil bien plus politique, puisque seulement 8 ministres sur les 38 ont fait l'ENA. Donc c'est très peu en réalité. Inversement, une petite trentaine, 29, ont eu au moins un mandat électif avant leur entrée en poste. Ça évolue, hein, là aussi, il ne faut pas figer, là je vous ai donné des données comme ça, mais en réalité le profil évolue là, lui aussi hein, tout au long de la Ve République, puisque au début le portefeuille est confié en fait à des primo-arrivants au gouvernement, c'est-à-dire des ministres qui n'ont pas, des personnes qui n'ont pas d'expérience du gouvernement préalable. C'est aussi pour ça que c'est d'abord un secrétariat d'État ou un ministère délégué. Mais dès le départ, en fait, il y a au minimum engagement partisan. C'est pas des techniciens purs, des hauts fonctionnaires purs. Et puis le profil va évoluer dans les années 80. C'est pas propre là à ces ministres-là. C'est lié, bon, évidemment, à l'alternance de 80. Donc le profil demeure politique, mais on voit arriver des ministres de plus en plus expérimentés, c'est-à-dire des ministres qui ont déjà été à plusieurs reprises au gouvernement, en tant que secrétaire d'État, en tant que ministre. Voilà, donc des ministres de plus en plus expérimentés en matière de travail gouvernemental. 22 sur 38, hein, c'est la majorité, a déjà été au gouvernement avant l'entrée dans le poste. Alors, qu'est-ce que cela nous indique? C'est ce que je disais au départ, c'est que, est lié à la caractéristique, aux caractéristiques de ce ministère, c'est que c'est sans doute un poste qui exige des qualités très politiques. C'est-à-dire avoir le sens du jeu politique, savoir négocier bien sûr avec les syndicats, mais, et vous l'avez dit très bien, savoir négocier peut-être aussi à l'intérieur même du gouvernement. Une des questions qu'on peut se poser, c'est si le fait même d'être issu du Sérail, d'être un énarque, d'avoir été... longuement au sein de la fonction publique, hein, travailler à dans différentes administrations. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un handicap? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une sous-représentation ici de ces profils de hauts fonctionnaires, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une question que je me pose, je vais revenir un peu après quand je parlerai pour finir des cabinets ministériels. On notera au passage, j'ai oublié de faire démarrer mon truc, mais pas grave. 23 minutes. Bon, ça ira. C'est écrit. Ouais. Ah ben oui, merci. Une petite remarque, c'est que dans un contexte de privatisation croissante, privatisation entre guillemets, de rapprochement en fait du statut de la fonction publique avec le statut privé, de diversification des profils et des statuts. Évidemment, la question de savoir s'il vaut mieux être du Sérail ou pas, elle se pose. Vous avez dit tout à l'heure que c'était important d'avoir des relais au sein de l'administration. Mais quand dans son cabinet ou quand soi-même on n'est pas issu d'administration, est-ce que justement c'est pas un souci? On notera au passage que les deux derniers ministres, vous-même et Stanislas Guérini, êtes tous deux diplômés de HEC, ce qui est une première, c'est une singularité, et pas simplement à ce poste-là. La formation par HEC est extrêmement rare, même si on a de plus en plus de ministres et de membres de cabinet ministériel qui viennent des écoles de commerce, mais ça reste vraiment une toute petite minorité, même si ça commence à grossir. On a un désinvestissement en fait des énarques, désinvestissements. C'est-à-dire qu'on a une chute tendancielle. Oui, voilà. Ça sera très intéressant parce que on en parlera. Alors, troisième point. Troisième et dernier point, l'entourage, très important. Mon collègue Jean-Michel Emery-Douzan dit dans un de ses derniers ouvrages ceci que je trouve très belle formule, le ministre n'est pas une personne physique. En effet, le ministre, c'est un peu comme le sommet de l'iceberg. Ou encore, je vais utiliser une métaphore moins jolie, la façade d'un immeuble haussmannien, ou pas d'ailleurs, plus ou moins luxueux. Alors, je m'en tiendrai ici, en fait, au cabinet des gouvernements hollandais pour une raison simple. C'est qu'il se trouve que j'ai dirigé une enquête collective sur ces cabinets-là. Et voilà, l'enquête s'est terminée avec le gouvernement de Valls. C'est là que j'ai des données, en fait, qui me permettent de réfléchir un petit peu à ça. Les cabinets des ministres de la fonction publique sous François Hollande se distinguent des autres ou pas? Eh bien, pas tant que ça. C'est quand on regarde les cabinets ministériels, la taille du cabinet, c'est une taille moyenne, entre 16 et 14. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un très gros cabinet comme celui, par exemple, de l'intérieur. Là, on compte 22 collaborateurs et collaboratrices. Ce n'est pas non plus un cabinet d'un ministre sectoriel, comme Artisanat et Commerce. On est vraiment dans une situation un peu médiane ici. De la même manière, si on regarde un petit peu en termes de sexe, 35% de femmes dans ce cabinet, dans ces cabinets, c'est à peu près entre 35 et 40% en fait, et la moyenne générale de ce gouvernement, c'est 33-35%. La différence en termes de profil, peut-être, c'est que, mais même là, je dirais que c'est pas, ils se distinguent pas non plus du point de vue de l'âge, parce que l'âge moyen est à peu près identique. On a des exceptions, justement pour le numérique, en fait, où là, l'âge est beaucoup plus jeune, ce qui n'est pas très étonnant, mais sinon, c'est pas. Ils se distinguent. Alors ça interpelle davantage par le fait que quand on regarde les carrières en fait de ceux qui composent ces cabinets, ça compte parmi les carrières les moins internationalisées, les moins européanisées en fait. Pour la fonction publique. 1,4%. À Matignon, c'est 16%. Au ministère de l'Économie et des Finances, c'est 8 et quelques pourcents. Et puis, on retrouve cette sous-représentation des énarques, là aussi, un trait un peu distinctif, mais là, pour le coup, on a des chiffres, des données, en fait, relativement anciennes, puisque sous Messmer, en fait, c'est 57% des membres du cabinet ministériel de la fonction publique, 57% qui sont passés par l'ENA. Et là, sous Hollande, donc, selon le cabinet, c'est 19%, 27%. Alors, pour vous donner une petite idée, je suis désolée de vous accabler avec ces chiffres-là, mais pour vous donner des chiffres un peu plus parlants, c'est par exemple, il y a beaucoup moins d'énarques dans ces cabinets-là qu'à l'outre-mer, ou qu'à la culture, au ministère du Travail. Et bien sûr que dans les ministères régaliens. Alors, pour nous, politiques, ça nous intéresse parce que c'est évidemment la proportion d'énarques, voire de polytechniciens, mais ils sont extrêmement rares, c'est toujours un indicateur de l'attractivité et aussi du pouvoir, la position du cabinet, donc du ministre, du ministère dans le gouvernement. Mais dans le cas présent, ça nous intéresse d'autant plus, il y a une autre raison pour laquelle ça nous intéresse, évidemment, c'est par rapport à la question que je posais tout à l'heure, dans quelle mesure c'est important d'être entouré d'énarques, souvent issus donc, des grands corps, qui font partie, si j'ai bien compris, pas simplement que du camp des alliés, mais aussi beaucoup du camp de ceux qui résistent à la transformation, aux transformations, voire à la réforme. Dernière remarque, dans le cabinet de Thierry Mandon, il y avait à peu près 35% de collaborateurs qui étaient passés par le privé. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau, même si c'est une tendance générale qu'on retrouve pas en fait, dans plein d'autres ministères, mais tout particulièrement dans celui-ci. Et évidemment, ça m'interpelle aussi, même si je tiens à préciser que la forte proportion, donc c'est quand même un tiers, la forte proportion des collaborateurs et collaboratrices qui sont passés par le privé, ils ne sont pas passés par des cabinets de consulting, etc. Très souvent, en fait, c'est plutôt des cabinets de communication. Et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Amélie Montchalin, c'est-à-dire le fait que c'est important pour ce ministère-là, peut-être plus que pour un autre, de savoir communiquer, en tout cas avec, en l'occurrence ici, les agents de la fonction publique. Voilà, j'en resterai là. Donc il y a plein de questions, vous n'êtes pas obligé de répondre bien sûr à toutes les questions, mais c'est vrai que autant profiter de votre présence pour avancer ensemble un peu plus loin. Merci.